le vent souffle dans tes cheveux, et si t'as des larmes aux yeux, t'es assis sur un banc et tu regardes devant. Et quand tu te sens un peu vieux, tu penses au temps silencieux. Au loin le vent est reparti avec ses yeux en Asie. Le vent, les souvenirs, loin là-bas. Mais le temps sonne le glas, ses yeux à jamais se sont envolés. Mais au fond de ta mémoire, ils sont gravés. Son visage rempli d'un...